Choix de contes et nouvelles traduits du chinois par Théodore Pavilly, lu par Armen pour audiocité.net. À Monsieur Stanislas Julien, membre de l'Institut, professeur de langue et de littérature chinoise et mandchoue au Collège Royal de France, témoignage de reconnaissance de son respectueux élève Théodore Pavilly. Avertissement. Au point où en sont aujourd'hui les études orientales, ce qu'on attendait d'elles, ce serait sans doute quelque chose de mieux qu'un volume de nouvelles et de contes. Les Chinois, d'ailleurs, ne font pas entrer dans le domaine de leur littérature des ouvrages d'une aussi mince importance, et la magnifique bibliothèque des empereurs exclut de ses rayons de simples histoires des romans d'imagination bons tout au plus à occuper les loisirs d'un étudiant. Pour nous, moins capables de juger et moins à même de faire un choix, nous avons lu avec un certain plaisir et comme délassement de travaux plus sérieux ces récits un peu dédaignés. Après les avoir parcourus, nous avons senti le désir de les étudier plus à fond, puis bientôt l'envie de les traduire, dans l'espoir que, peut-être, tout en passant sous le joug d'une langue étrangère, ils ne perdraient pas la gracieuse naïveté qui les distingue dans l'original. D'ailleurs, même en écrivant les ouvrages les plus futiles au premier abord, les Chinois s'inspirent presque toujours d'un fait historique, d'une légende, d'un axiome emprunté à l'une de leurs trois religions. Et ces collections de nouvelles si abondantes, si multipliées, formées à des époques diverses, traversant ainsi les siècles sans nom d'auteur, pourraient à la rigueur se comparer à tant d'autres recueils anonymes du même genre, vers ou prose, communs à toutes les nations, et qui sont, d'ordinaire, la plus fidèle et la plus piquante peinture des mœurs et des croyances du peuple chez lequel ils ont pris naissance. Aussi, dans le but de varier les tableaux et de faire passer sous les yeux du lecteur plusieurs exemples de ce style facile et soigné, qui témoigne du goût des Chinois pour les contes et les nouvelles, nous avons puisé à des sources différentes que nous croyons devoir faire connaître ici. Les pivoines, placées en tête du volume, appartiennent au recueil intitulé « Qin Ku Ki Quan », faits remarquables, anciens et modernes. Le même conte se trouve aussi dans les histoires à réveiller le monde, dont la bibliothèque de l'Arsenal possède un exemplaire incomplet. Cet ouvrage, qui semble un extrait des meilleures collections de ce genre, a fourni de plus le conte fantastique des renards-fées. La nouvelle de l'illustre poète de la dynastie des Tang, Li Taipei, laquelle peut être considérée comme historique jusqu'au dénouement toutefois, est empruntée au Qin Ku Ki Quan déjà cité, ainsi que celle du luth brisé qui termine le volume. C'est du roman bouddhique Si Yeu Qi, Voyage dans l'Ouest, c'est-à-dire dans l'Inde, quand ce sont des bouddhistes chinois qui parlent, qu'ont été tirés les deux épisodes, le bonze sauvé des eaux et le roi des dragons. Ils forment, dans deux éditions dissemblables en plusieurs points, le 9e chapitre de ce roman trop long et trop diffus pour être traduit en entier, mais très riche en détails géographiques et en aventures curieuses. Malheureusement, l'exemplaire de la bibliothèque de l'Arsenal est fort défectueux. Enfin, le lion de pierre est aux yeux des Chinois une cause célèbre. Elle se trouve dans le Long Tu Kong Nang, recueil des plus fameux jugements de Pao Chi, réuni sous la forme de 32 histoires plus ou moins merveilleuses. Ce petit volume, très rare et imprimé à Canton sous le règne de l'empereur actuel Tao Kuang, fait partie de la rare collection de M. le professeur Stanislas Julien qui a bien voulu nous le communiquer. Malgré le grand soin apporté à cette traduction, nous sommes loin de croire notre travail irréprochable. Les personnes qui s'occupent de la langue chinoise savent toutes quelles insurmontables difficultés se rencontrent inopinément au milieu des textes les plus simples et combien de pièges sont cachés au coin de chaque page. Ce sont toujours des lettrés qui écrivent et ils se gardent bien d'épargner les allusions historiques, les expressions poétiques ou consacrées, les sentences religieuses qu'amène chemin faisant la suite du récit. Maintes fois, il nous eût fallu renoncer à ce travail, quelque facile qu'il paraisse à de plus expérimentés, si nous n'avions eu pour secours les conseils du savant professeur dont nous suivons les leçons. Enfin, grâce à ses vastes connaissances, à son habileté infaillible devant laquelle tout obstacle disparaît, grâce à sa bienveillante complaisance toujours active, toujours prête à venir au-devant de l'élève en danger et à le soutenir en dépit de ses découragements, nous avons pu réunir ce petit faisceau d'histoires éparses et le présenter au public. Peut-être avons-nous trop présumé de nos forces et tenté avant l'heure. Toutefois, nous nous consolerions un peu en songeant que, dans des ouvrages de fantaisie et d'imagination, les erreurs n'ont pas un résultat bien grave. Ces pages sont donc un essai, le fruit de quelques années de lecture et d'études, car sans être aussi inextricable qu'on l'a pensé longtemps, la langue chinoise, mystérieuse et sévère, ne cède que peu à peu aux plus persévérants efforts. Le chemin qui conduit à la connaissance de cet idiome est long et pénible et ne saurait se parcourir tout d'un trait. Il faut donc s'arrêter quelquefois pour prendre haleine. Arrivé à cette première halte, encore bien rapprochée du point de départ, nous adressons, non sans effroi, ces nouvelles et ces contes, ces épisodes, ce mince volume enfin, à la classe impartiale de lecteurs que n'effraie ou n'indispose ni l'étrangeté d'un mot inconnu, ni la bizarrerie capricieuse de l'imagination chinoise.